الحمد لله. معز من أطاعه واتقاه، مذل من خالف أمره وعصاه. تقدست أسماؤه جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن أقرضه أعطاه، ومن اتقاه وقاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن اعتصم به نجاه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلًا كبيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغرِّ الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Honoré ce sera celui qui l'aura suivi, qu'il l'aura craint et obéi. Humilié sera celui qui ne l'aura pas suivi et qui lui aura désobéi. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Quiconque place sa confiance en lui, Allah lui suffira. Quiconque le craint, Allah le protégera. Quiconque lui prête de bonne grâce, Allah lui rendra. Quiconque s'accroche à lui, Allah le sauvera. Quiconque lui confie son sort, Allah le guidera. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Allah l'a envoyé comme un témoin et comme l'annonçateur d'une bonne nouvelle et comme un avertisseur. Et Allah l'a envoyé comme une lampe éclairante aux gens et annonce aux croyants ainsi qu'ils ont de la part de leur Seigneur une grande faveur. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa famille, ses nobles compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ayol Ikhwatul Kiram, ceci est notre 37e rencontre parmi les rencontres de notre noble série Silsilatu Marahil Dar Al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Et nous avions certes, lors de notre dernier discours, évoqué la grande intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de toute l'humanité entière auprès d'Allah jalla wa ala, celle qui se fera dans le lieu du rassemblement Ardul Mahshar, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala accélère l'arrivée du jugement al-hisab et hâte l'arrivée de ce jugement, afin que les gens soient épargnés et que les gens soient protégés des douleurs, des souffrances, des tourments et des soucis, des afflictions du jour du jugement. Car les gens, ayol ikhwatul kiram, lorsqu'ils se tiendront debout à cet endroit, ils subiront les tourments et ils seront touchés par des soucis tels qu'ils ne pourront plus supporter. Et ils iront voir, comme nous l'avions dit, chaque prophète, jusqu'à ce qu'ils arrivent au maître des prophètes, alayhi salatu wassalam, leur prophète et leur imam, Et ainsi, Rasulullah alayhi salatu wa salam ira alors intercéder pour tous les gens auprès de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala afin qu'ils précipitent l'arrivée d'Al-Hisab. Et nous avions également montré la faveur d'Allah azza wa jal, cette faveur qu'atteindra les croyants al-mu'minin et les unificateurs al-mu'ahidin le jour de la résurrection, et qui se justifiera et qui se traduira par le fait qu'ils iront boire de l'eau du bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Et ainsi, lorsqu'ils y boiront de cette boisson pure, bonne et délicieuse, et d'une odeur très parfumée, ils n'auront plus jamais soif après cela. Et leur visage ne s'assombrira plus après cela. Puis, ayyuha al-muslimoun, le jugement commencera. Al-hisab débutera alors. Et il commencera par quoi? Il commencera par la déchirure du ciel. La déchirure du ciel se situant au-dessus des têtes des créatures. Il commencera par la déchirure du ciel, un ciel qui n'est pas comme le ciel de Dunya. Car toutes les grandeurs et toutes les règles de Dunya se transformeront alors. Écoutez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. Le jour où la terre sera remplacée par une autre terre, et de même pour les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Le ciel se fendra alors, et le ciel se déchirera alors, afin que les anges al-malaïka descendent. Afin que les anges descendent, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَصِيرًا. Le jour où le ciel sera fendu par les nuages et que l'on fera descendre les anges al-malaïka, ce jour-là la véritable royauté appartiendra au tout miséricordieux et ce sera un jour difficile aux mécréants. Le ciel se fendra au-dessus des têtes des gens et des créatures afin que les anges descendent. Ce ciel se fendra par les nuages. Ce sont les énormes nuages ayant de la lumière qui est tellement illuminante qu'elle pourrait prendre la vue des gens. Allah Jalla wa Ala nous dit هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé? Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Les anges des cieux ainsi descendront du ciel, en commençant par les anges de ce bas monde ad-dunya, afin qu'ils se tiennent debout entre les gens et avec les gens. Naam. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges rang par rang. Les anges descendront alors. De quelle manière, ayol ikhwa, ils glorifieront Allah, et ils appelleront à la majesté d'Allah, et ils sanctifieront Allah, et ils diront alors, gloire à notre Seigneur le plus élevé, gloire à celui qui détient tous les royaumes, gloire au Tout-Puissant, gloire au Contraignant, gloire à celui qui vit et qui ne meurt pas, gloire à celui qui a fait mourir toutes les créatures, gloire à celui qui ne meurt pas, gloire à lui et gloire à lui à jamais, gloire au roi et gloire au très grand et gloire au très haut. Taqaddasat asma'uh, que ses noms soient sanctifiés, que ses attributs soient élevés. Ils descendront alors en glorifiant Allah Jalla wa Ala, et les nobles anges descendront alors après que le ciel se soit fendu. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَ. Le ciel se fendra alors et sera fragile ce jour-là. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَ. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8 ce jour-là porteront au-dessus d'eux le trône du Tout Miséricordieux, le trône d'Allah Azza wa Jal. 8 anges porteront alors ce jour-là le trône d'Allah al-Arsh, lorsqu'ils arriveront pour juger ses serviteurs. Lorsqu'Allah arrivera pour juger ses serviteurs, lorsqu'Allah viendra afin de juger entre ces créatures. Ces anges seront alors très puissants, afin qu'Allah juge avec sa justice et avec sa droiture et avec sa noblesse, comme nous l'a dit le savant As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Le ciel se fondra alors et il sera ce jour-là fragile. Et lorsque les anges descendront à Yol-Ikhwa, le Seigneur tabaraka wa ta'ala viendra alors. Il viendra afin de juger entre ces créatures. Il arrivera afin de juger entre les gens et ses serviteurs. Et cette arrivée et cette venue, l'arrivée d'Allah et la venue d'Allah a été évoquée dans le livre d'Allah. Ainsi, il nous est obligé d'y croire. Comme il nous est obligé d'y croire à tous les attributs d'Allah Jalla wa Ala. Et parmi ces attributs, la venue d'Allah et l'arrivée d'Allah, et également la descente d'Allah, car Allah descend chaque dernier tiers de la nuit, ila sama'id dunya, dans le ciel de ce bas monde, d'une descente qui est propre à sa perfection et qui est propre à sa beauté et à sa majesté, comme dans le hadith rapporté par les deux recueils authentiques. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: votre Seigneur descend chaque dernier tiers de la nuit, ila sama'id dunya, dans le ciel de ce bas monde, et il dit: y a-t-il un invocateur dont j'exaucerai son invocation? Y a-t-il quelqu'un qui m'implore mon pardon afin que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose afin que je la lui donne? Ainsi, notre Seigneur descend chaque dernier tiers de la nuit de sa descente qui est propre à lui, propre à sa perfection et à sa beauté et à sa majesté. Et de même ainsi, Allah viendra et Allah arrivera d'une façon qui lui est propre. Allah Jalla wa Ala arrivera et cette venue et cette arrivée est propre à sa perfection et sa majesté. Cet attribut, ayol ikhwa, il nous incombe d'y croire. Sans s'imaginer quelque chose. Ainsi, ayol ikhwa tul kiram, ne vous imaginez rien du tout. La venue d'Allah Jalla wa Ala est un de ses attributs. Mais Allah n'a pas d'égal. Et Allah n'a pas d'équivalent. Et Allah n'a pas d'identique. Et Allah n'a pas d'enfant, mais rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ainsi notre Seigneur viendra afin de juger entre ses serviteurs. Et si quelqu'un nous demande: mais comment arrivera notre Seigneur? De quelle manière viendra notre Seigneur? Eh bien, nous lui répondrons comme a répondu al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala à la personne qui vint le voir et qui lui demanda à propos de l'établissement d'Allah sur son trône. Il lui dit: ya imam, Allah Jalla wa Ala a dit: Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Kayfa istawa? Comment s'est-il établi? De quelle manière s'est-il établi? Et alors l'imam Malik rahimahullahu ta'ala commença par baisser la tête. Et il commença alors à transpirer, vu la grandeur de la question et vu la responsabilité quant à répondre à cette question énorme, car cela s'agit d'Allah Jalla wa Ala. Puis il répondit avec toute sagesse, rahmatullahi alayh, al-istiwa ma'loum. L'établissement sur le trône, c'est-à-dire l'établissement, sa signification est connue, l'établissement. Et ainsi nous répondrons de même pour l'arrivée et la venue d'Allah. La venue et l'arrivée d'Allah, sa signification est connue. Wal kayf majhoul. Quant à la manière de cette arrivée, elle est ignorée. Wal iman bihi wajib. Et la croyance à ce sujet, c'est-à-dire la croyance au fait qu'Allah arrivera et viendra, est obligatoire. Wa su'alu anhu bid'a. Quant à la question sur ce sujet, la question sur la façon avec laquelle Allah arrivera est une innovation. Alors ne cherchez pas à savoir le comment, et ne cherchez pas à comprendre comment cela se passera, et ne vous imaginez pas, mais également ne niez pas et ne falsifiez pas, et ne dites pas: non, mais c'est la puissance d'Allah qui viendra, ou non, mais c'est la miséricorde d'Allah qui viendra, ou non, mais c'est le jugement d'Allah qui viendra. Non, mais dites comme notre Seigneur tabaraka wa ta'ala nous dit: wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Et votre Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. Et tel est le dogme et la croyance et l'aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Ceux qui confirment et qui approuvent et qui affirment ce qu'Allah s'est affirmé dans son livre. Et ils comprennent les versets et les hadiths qui se rapportent aux attributs d'Allah Jalla wa Ala par leur sens propre et apparent. Et ainsi, ils n'interprètent pas. Et ainsi, ils affirment les attributs d'Allah Jalla wa Ala sans négation, ni falsification, ni en donnant d'exemple, ni comparaison, ni en se demandant la manière. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble, wa huwa as-sami' al-basir. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ainsi, ayo al-ikhwatul kiram, notre Seigneur Jalla wa Ala viendra. Et notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala arrivera afin de juger entre ses serviteurs, afin qu'Allah fasse justice entre ses créatures d'une façon qui lui est propre à sa beauté et à sa perfection et à sa majesté. Ainsi, il ne viendra pas comme viennent les créatures. Et il n'arrivera pas comme arrivent les créatures. C'est pourquoi nos prédécesseurs, as-salaf ou salih, ont donné le jugement et le titre de mécréant kafir à celui qui aura comparé physiquement Allah à sa création. Et à celui qui aura mis en parallèle physiquement Allah et sa création. Écoutez ce que nous dit Nu'aym ibn Muhammad, rahimahullah ta'ala, le cheikh de l'imam al-Bukhari. Il nous dit, celui qui compare physiquement Allah à sa création est devenu kafir, mécréant, car il aura à la fois rassemblé le reniement de l'information takdhib ou al-khabar et la désobéissance de l'ordre. Ainsi, il nous est obligé de faire attention à cela, ayyuhal ikhwa. Et il nous est obligé de vous avertir de cela, car les gens de l'innovation Ahlul Bida ont faussé à beaucoup de musulmans leurs croyances et leur aqida et leur dogme. La croyance sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons radiallahu anhum et ses successeurs et ceux qui l'ont suivi sur le bon chemin. Et ainsi notre raison ne doit pas rentrer dans ce sujet. Et notre esprit ne doit pas essayer de comprendre, car nos raisons sont limitées. Et la même chose pour toute information qui rentrerait dans le monde invisible, el-ghaib. La raison ne doit pas essayer de réfléchir à cela. Et c'est pourquoi l'imam Ahmed rahimahullah nous dit, Allah Jalla wa Ala ne peut être décrit que comme il s'est décrit lui-même dans son livre et comme l'a décrit son messager alayhi salatu wassalam. Ainsi nous ne dépasserons ni le Coran et le Hadith. Faqat. Il ne faut ni dépasser le Coran et le Hadith. Notre Seigneur Jalla wa Ala arrivera et il viendra de la façon qui lui est propre, propre à sa perfection, sa majesté et sa beauté. Et alors qui est-ce qui le verra? Qui est-ce qui aura l'honneur de le voir dans la terre du rassemblement Ardul Mahshar? Sachez, ayyuha al-muwahhidun, que personne ne verra notre Seigneur Jalla wa Ala excepté celui qui aura cru en lui. Car les gens le jour du jugement seront séparés en trois catégories. Les gens le jour du jugement seront séparés en trois catégories. La première, al-mu'minun al-muwahhidun, les croyants unificateurs qui auront été croyants dans leur apparence et dans leur intérieur. La deuxième, al-munafiqun, les hypocrites, ceux qui auront été croyants dans leur extérieur et leur apparence, mais non dans leur intérieur. Et la troisième, les mécréants, qui auront été mécréants dans leur apparence et dans leur intérieur. Trois catégories le jour du jugement. Quant aux mu'minoun, tant qu'aux croyants, al-mu'minin ayyuhal ikhwa, ils verront Allah Jalla wa Ala. Ce seront ceux qui auront attesté Allah par leur monothéisme, et qu'Allah nous place parmi eux ainsi. Et qu'Allah nous fasse mourir ensemble sur la foi et le tawhid. Ceux-là verront Allah Jalla wa Ala et auront ainsi l'honneur de voir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ils le verront ainsi la première fois fi ard al-mahshar et après fi al-jannah, au paradis. Quant aux hypocrites al-munafiqin, ils verront Allah ce jour-là. Mais Allah Jalla wa Ala leur mettra un voile qui leur empêchera de les voir plus tard et ce voile nous en parlerons dans les prochains discours, lorsque nous parlerons du pont As-Sirat, un voile qui séparera al-munafiqun d'al-mu'minun. Ainsi, ils verront Allah, mais ce bienfait-là leur sera retiré. Et quant aux mécréants al-kafirin, certains gens de science ont dit qu'ils verront Allah, mais d'une vue coléreuse et de punition et de châtiment, mais cette parole n'est pas juste. Et la parole la plus favorable et la deuxième est que les mécréants ne verront pas Allah Jalla wa Ala. Et les savants s'appuient sur la preuve du Coran où Allah Jalla wa Ala nous dit Kalla innahum ar rabbihim yawma idin la mahjubun. Mais qu'ils prennent garde, car certains voiles les empêchera de voir leur Seigneur ce jour-là. Ainsi les mécréants ne verront pas Allah Jalla wa Ala. Et ainsi nous demandons à Allah de ne pas nous interdire cette faveur et cet honneur. Et ne verront donc Allah que les croyants et les hypocrites, mais les hypocrites, ce bienfait leur sera retiré. Et le reste des gens alors ne verront pas Allah. Et ainsi les mécréants ne verront pas leur Seigneur et leur Créateur, Jalla wa ala. Jaza'an wifaqa. Telle est une rétribution équitable. Kalla innahum ar rabbihim yawma idin la mahjubun. Certes, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ils seront empêchés de voir leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Pourquoi empêchés? Car le fait de voir Allah Azza wa Jal est un bienfait, ayol ikhwa. Dans les deux recueils authentiques, selon Abi Sa'id ibn al-Khudri radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: vous verrez votre Seigneur comme vous voyez le soleil lorsqu'il n'y a aucun nuage. Allahu Akbar. Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez le soleil lorsqu'il n'y a aucun nuage. Et ce ne sera pas une vision avec le cœur, comme on dit les gens de l'innovation Ahlul Bidah, mais ce sera une vision véridique, et une vision véritable, prouvée par le livre Al-Qur'an et la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Ainsi, lorsque notre Seigneur arrivera, yol ikhwa, et lorsque notre Seigneur viendra, la terre sera alors illuminée. Et la terre resplendira alors, elle sera illuminée, yol ikhwa, et elle resplendira, comme nous le dit notre Seigneur, Jalla wa ala, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. La terre sera resplendie par la lumière de son Seigneur. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُدِعَ الْكِتَابِ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et le livre sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins, et on décidera parmi eux avec équité, et ils ne seront point trompés et lésés. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. La terre resplendira alors. La terre resplendira alors de la lumière de son Seigneur. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ. Et on fera venir les prophètes et les témoins. Les témoins ainsi témoigneront sur leur communauté, sur leur peuple. Et les témoins dans ce verset, ayol ikhwa, sont les anges al-malaïka. Les anges al-malaïka. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. La terre resplendira de la lumière de son Seigneur. وَوُدِعَ الْكِتَابِ. Et le livre sera déposé, ce livre des actions, qui aura enregistré toutes les actions des serviteurs, bien comme mal, qu'ils auront fait dans ce bas monde ad-dunya. وَوُدِعَ الْكِتَابِ. Et le livre sera déposé. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ. Et on fera venir les prophètes et les témoins. Et les témoins, comme nous l'avons dit, seront al-malaïka. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. La terre, ayyuha al-ikhwa, resplendira de la lumière de son Seigneur. Imaginez-vous, ya ibad Allah, imaginez-vous cette vision inimaginable, yuallah, cette vue extraordinaire, yuallah. Imaginez-vous, Allah tabaraka wa ta'ala viendra. Imaginez-vous la venue d'Allah, la venue d'Al-Wahid al-Dayyan, le dominateur suprême, la venue d'Al-Malik al-Allam, la venue d'Al-Wahid al-Ahad, tabaraka wa ta'ala. Personne ne parlera alors, personne ne parlera ce jour-là, aucune créature ne prononcera de parole, aucune créature osera parler, tout le monde restera muet, tous seront soumis, tous seront rabaissés, tous seront humiliés, tous auront peur, tous seront effrayés, comme Allah Jalla wa Ala nous dit. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. Et nous rassemblerons les criminels ce jour-là bleus. Bleus de quoi? Bleus de peur. Leurs yeux seront bleus de peur. Et leurs visages seront bleus de peur à cause de ce qui arrivera et de ce qu'ils verront. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. Et nous rassemblerons les criminels ce jour-là bleus de peur. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. Ils chuchoteront entre eux. Et ils se diront: vous n'êtes restés que 10 jours. Vous n'êtes restés que 10 jours. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. Ils chuchoteront entre eux, ils diront: vous n'êtes restés que 10 jours. Et Allah leur répondra alors: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ. Nous savons ce qu'ils diront. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront. Imaginez-vous ces instants et ces moments, ayol ikhwa. Ces instants agifs, étonnants, ayol ikhwa tul kiram. Imaginez-vous cette rencontre. C'est l'heure de la rencontre entre qui et qui. C'est l'heure de la rencontre entre le Seigneur et le serviteur. C'est l'heure de la rencontre entre le Créateur et la créature. C'est l'heure de la rencontre entre l'adoré et les adorateurs, entre le riche et les pauvres. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront. Lorsque l'un d'entre eux, dont la conduite est exemplaire, dira: vous n'êtes resté qu'un jour. Le plus raisonnable d'entre eux, le plus raisonnable des gens dira: vous n'êtes resté qu'un jour. Avec le fait qu'ils soient restés longtemps, et malgré le fait qu'ils aient été restés longtemps dans cette vie ad-dunya, le jour de la résurrection, cette vie sera devenue courte et misérable, et méprisable, due aux choses qu'ils auront vues le jour de la résurrection. et dû aux tourments et aux afflictions qu'ils auront subies le jour du jugement. Car cette vie, aussi longue qu'elle soit, et aussi nombreux que soient ses jours et ses mois et ses années, elle sera considérée comme méprisable et comme courte le jour de la résurrection, à cause de l'affreusité qu'ils verront, et de l'effroi qu'ils auront, et de la peur dans laquelle ils seront plongés. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, « قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ » Il dira alors, « Combien d'années êtes-vous restés sur terre ?»« قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ » Ils diront, « Nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui ont compté. » قَالَ بَلْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » Il dira, « Vous n'y avez demeuré que très peu de temps, si seulement vous saviez. » نعم أيها الإخوة الكرام, ce jour-là ainsi, aucune créature ne parlera. Aucune créature ne parlera, mais aucune créature n'osera parler. Et ainsi, ils ne se parleront qu'en faisant des signes. Avec leurs mains, qu'en faisant des signes, أيها الإخوة. يَوْمَ إِذِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il aura agréé la parole. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux même ne le cernent pas de leur science. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. Et les visages seront alors humiliés devant le vivant, celui qui se subsiste à lui-même, Al-Qayyum. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Et certes, celui qui se présentera avec lui, chargé d'une injustice, sera malheureux ce jour-là. Les visages s'humilieront ce jour-là. Les corps seront nus ce jour-là. La sueur ce jour-là coulera. Et les cœurs auront atteint la gorge du fait de leur peur et de leur effroi. Imaginez-vous, ayyuhal ikhwatul kiram, et wallah, dans ce bas monde, si une personne se présente et si une personne se tient debout devant un juge parmi les juges de ce bas monde, et devant un gouverneur parmi les gouverneurs de ce bas monde, et devant un roi parmi les rois de ce bas monde, et wallah, et sa respiration serait coupée, et son visage jaunirait, et son ventre lui ferait mal. Qu'en est-il, ayyuhal ikhwa, de Malik al-Muluk, de Jabbar al-Samawati wal-Ard? Qu'en est-il du roi des rois, du créateur des cieux et de la terre, du seigneur des seigneurs, Rabbul Arbab? Notre Seigneur Jalla wa Ala viendra alors, comme il convient, ayyuhal ikhwa, d'une venue propre à sa majesté et à sa perfection. Et les gens se tiendront debout afin d'attendre. Attendre quoi? Attendre le jugement al-hisab. Attendre le jugement entre eux. Attendre la sentence. Attendre le verdict. Attendre la justice. Attendre la justice et le jugement. Et aucune créature ne parlera alors. Aucune créature n'osera parler alors. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il existe entre eux, le tout miséricordieux, et ils n'oseront nullement lui adresser la parole. La yamlikuna minhu khitaba. Ils n'oseront nullement lui adresser la parole. Ils ne pourront pas. Personne ne pourra commencer la parole avec Allah. Jalla wa ala. La yamlikuna minhu khitaba. Ils n'oseront nullement lui adresser la parole. Et ainsi, par qui Allah commencera? Par qui Allah commencera la parole ce jour-là? Écoutez. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة. Ils n'oseront nullement lui adresser la parole le jour où l'esprit et les anges se dresseront. الروح جبريل عليه السلام. Le jour où Jibril et les anges se dresseront, Jibril alayhi salam se dressera alors afin qu'il témoigne contre toutes les communautés de par ce qu'il a révélé au prophète dans ce bas monde. يوم يقوم الروح والملائكة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler alors, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. ذلك اليوم الحق. Ce jour-là est inéluctable. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Que celui qui veut prendre alors un refuge, qu'il le prenne auprès du Seigneur. Aucune créature ne parlera alors, mais ce ne seront que des signes avec les mains. Personne n'osera, personne ne pensera, personne ne songera à parler devant la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et notre Seigneur Jalla wa Ala, ayyuhal ikhwa, comme nous l'avions parlé auparavant dans le dernier discours, notre Seigneur Jalla wa Ala se sera certes mis en colère d'une colère qu'il ne se sera pas mis auparavant, et d'une colère qu'il ne se mettra pas dans le futur. Il se sera ainsi mis en colère ce jour-là, lorsque notre Seigneur arrivera, il ordonnera à l'enfer, à Nar, qu'on la ramène. Il ordonnera à l'enfer qu'il soit ramené. Et les gens seront sur la terre du rassemblement Ardul Mahshar. On ordonnera alors à l'enfer de venir. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. Et que ce jour-là, on ramènera l'enfer. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. Pourquoi ? On l'amènera afin que les gens voient. Et afin que les gens l'observent. Et afin que les gens la regardent. Et afin que les gens soient effrayés. Et afin ainsi qu'ils comprennent. Et afin ainsi qu'ils réalisent. Et afin ainsi qu'ils saisissent la grandeur et la capacité d'Allah Azza wa Jal. Et qu'ils réalisent l'énorme situation dans laquelle ils se trouvent. Et qu'ils sachent qu'Allah ne les a pas créés sans but. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que nous ne serons et que vous ne retourniez pas auprès de nous? On les ramènera, on la ramènera alors. On ramènera cet enfer en train de flamber et en train d'augmenter en chaleur lorsqu'elle regardera al-mushrikin, lorsqu'elle observera les polythéistes et les mécréants, ceux qui auront désobéi à leur Seigneur et ceux qui auront négligé les adorations d'Allah. Elle s'intensifiera en chaleur alors. Et elle augmentera en chaleur. Et elle flambera ainsi. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ يَوْمَئِذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Ce jour-là, l'homme se rappellera. يَوْمَئِذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى. Mais à quoi lui servira ce souvenir? À quoi lui servira ce souvenir ce jour-là? وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى. L'homme se souviendra alors de ce qu'il a fait dans ce bas monde. L'homme se souviendra alors des péchés qu'il aura commis dans ce bas monde. L'homme se souviendra alors des négligences qu'il avait dans ce bas monde à dunya. Mais à quoi lui servira ce regret? À quoi lui servira ce souvenir? Il dira alors, hélas, malheur à moi, que n'ai-je fait de bien pour ma vie future? Pourquoi n'ai-je pas cru en Allah? Pourquoi n'ai-je pas accompli la prière à salat? Pourquoi n'ai-je pas acquitté l'aumône à zakat? Pourquoi n'ai-je pas porté el hijab? Pourquoi ai-je combattu l'islam et les musulmans? Pourquoi n'ai-je pas fait du bien pour ma vie future? Ya laytani qaddamtu li hayati. On emmènera ainsi l'enfer en train de flamber et en train de s'intensifier en chaleur. On emmènera ce feu dans le recueil authentique de l'imam muslim. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, on emmènera l'enfer le jour de la résurrection avec 70 000 chaînes. Chaque chaîne sera tirée par 70 000 anges. On emmènera l'enfer le jour de la résurrection avec 70 000 chaînes. Chaque chaîne sera tirée par 70 000 anges. Et ceci nous prouve de cette énorme création, al-iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. On l'emmènera tirée par 70 000 chaînes. Chaque chaîne tirée par 70 000 anges à l'endroit qu'Allah jalla wa ala voudra, afin que toutes les créatures la voient, afin que toutes les créatures l'observent, afin que toutes les créatures soient effrayées. Et lorsque les gens la verront alors, et lorsque les créatures la verront et l'observeront alors, lorsque les créatures seront effrayées alors, tout le monde tombera agenouillé. Tout le monde tombera agenouillé. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram. Tout le monde tombera agenouillé. Lorsque tout le monde la verra, ils tomberont sur ses genoux. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillé. Et comme Allah Jalla wa Ala nous dit, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَافِيَةٍ. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Quand cela se passera-t-il? Quand est-ce que cet agenouillement aura lieu? Lorsqu'ils verront l'enfer. Lorsqu'on emmènera l'enfer en nar. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَافِيَةٍ. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Tout le monde s'agenouillera alors. Et tout le monde et chacun criera alors, nafsi, nafsi, mon âme, même les prophètes, alayhim salawatullahi wa salamu. Puis, quelqu'un appellera vers Allah, Jalla wa ala, et dira alors, que chaque communauté suive sa religion et son livre. Que chaque communauté suive sa religion et son livre. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Et tu verras chaque communauté agenouillée. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. Chaque communauté sera appelée vers son livre. الْيَوْمَ تُجَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et ce jour-là, on vous rétribuera avec ce que vous œuvriez et ce que vous faisiez. Toute communauté sera alors appelée. à la religion de son prophète et à son livre, et au livre de ses actions également. La communauté de Moussa alayhi salam suivra Moussa alayhi salam. La communauté de Isa alayhi salam suivra Isa alayhi salam. La communauté de Muhammad ibn Abdullah suivra Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam. Puis après cela, le Seigneur des cieux et de la terre, Ilahul awwalin wal akhirin, le Seigneur des premiers et des derniers, Tabaraka wa ta'ala, s'écriera alors et appellera tous ses serviteurs et appellera toutes les créatures et appellera tous ses serviteurs, s'écriera et leur dira alors: Alam a'ad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ne vous ai-je pas engagé, ô fils de Adam, à ne pas adorer le diable, le shaytan, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Ceci est un blâme de la part d'Allah et une reproche de la part d'Allah et Azzawajal à toute l'humanité entière qui aura négligé les ordres d'Allah et qui se sera enorgueillie envers la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala, alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ne vous ai-je pas engagé, ô fils de Adam, à ne pas adorer le diable, le shaytan, car certes c'est lui un ennemi déclaré. Tous les types de désobéissance, ayol ikhwa, rentrent dans l'adoration de shaytan, le diable, comme nous l'a dit As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Et c'est ainsi un blâme de la part d'Allah et un reproche de la part d'Allah azza wa jal. Alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin, que vous n'adoriez pas le diable, le shaytan, c'est certes pour vous un ennemi déclaré. Wa ani'buduni, et ne vous ai-je pas engagé de m'adorer moi. هذا صراط مستقيم, tel est le droit chemin. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا, et le diable il a certes égaré parmi vous un grand nombre de créatures. أفلم تكونوا تعقلون, ne raisonniez-vous donc pas, n'aviez-vous pas de raison dans cette vie, n'aviez-vous pas d'esprit dans cette vie, n'aviez-vous pas de conscience afin de réfléchir et afin de méditer lorsque vous étiez dans cette vie? Où était votre raison et où était votre conscience lorsque vous adoriez le diable, le shaitan, et lorsque vous désobéissez à Ar-Rahman, le tout miséricordieux? Où était votre raison? Car certes, si vous étiez raisonnable, et certes, si vous aviez un esprit, vous auriez obéi à Allah. Et vous n'auriez pas aidé le diable, le shaitan. أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ, ne raisonniez-vous donc pas? Puis Allah, Jalla wa'ala, dira alors: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, tel est l'enfer que l'on vous promettait. Tel est l'enfer que l'on vous promettait. Allah Jalla wa Ala les appellera alors. Et les gens regretteront alors de plus en plus. Les gens seront alors plongés dans leurs regrets et leurs remords. Ils auront alors encore plus de peur et plus de regrets. Lorsque les injustes verront l'enfer, ils auront encore plus peur. Lorsque les mécréants verront l'enfer, leurs regrets seront alors plus grands. Et leurs remords seront alors plus nombreux et deviendront alors plus énormes. Alors qu'ils n'y sont pas encore rentrés. Alors qu'ils n'y sont pas encore rentrés, mais qu'ils ne l'ont convu. Mais qu'ils ne l'ont que vu et aperçu, tous les gens tomberont alors sur leurs genoux. Et à ce moment-là, Allah Jalla wa Ala, et écoutez maintenant la faveur de la communauté de l'islam et de la communauté musulmane, la communauté de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, 70 000 personnes, Allah Jalla wa Ala ordonnera que l'on prenne de la communauté de Muhammad alayhi salatu wa sallam 70 000 personnes afin de les faire rentrer au paradis, bi ghayri hisabin wa la adab, sans jugement ni châtiment. Naam, et la preuve en est ce que rapporte l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith: et on me fit montrer les communautés. Je vis alors un prophète avec un groupe de personnes, et un prophète avec une personne avec lui, et un autre avec deux personnes, et un autre prophète avec personne qu'il soit avec lui. Puis on me montra une masse de personnes, énormément de gens. Je crus alors que c'était ma communauté. Et on me dit: tel est Moussa et son peuple. Puis après cela, Al-Habib alayhi salatu wa salam nous dit: puis on me montrera alors énormément de gens. Et je vis alors et on me dit alors: ceci est ta communauté. Et parmi eux, 70 000 personnes qui rentreront au paradis, bi-ghayri hisabin wa la adab, sans jugement ni souffrance. Après qu'Al-Habib ait dit ce hadith, il rentra alors dans sa noble pièce, dans sa demeure. Alayhi salatu wassalam. Puis les gens, les compagnons, discutèrent et parlèrent entre eux. Et se posant des questions alors entre eux, ils se disent: qui sont-ils? Qui sont ces personnes qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment? Certains dirent alors: peut-être que ce sont ceux qui ont accompagné et qui étaient avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et d'autres diront: Peut-être que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais adoré Allah, qui n'ont jamais adoré autre qu'Allah, qui n'ont jamais associé à Allah quelqu'un. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam sortira et leur demandera alors, et alors il leur dira, ceux qui rentreront au paradis sans jugement ni punition sont ceux qui ne demandent pas que l'on leur fasse un ruqya, et ceux qui ne brûlent pas leurs blessures afin de se soigner, et ceux qui ne font pas de superstition, et ceux qui auront placé leur confiance à leur Seigneur Jalla wa'ala. Puis, un compagnon du nom de Ukash ibn Mihsan radiallahu anhu se leva alors. Et il dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, invoque Allah afin qu'il fasse que je sois parmi eux. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, tu es certes parmi eux. Puis un autre homme se leva alors et lui dit, Ya Rasulallah, invoque Allah afin que je sois parmi eux. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit, avec toute politesse et avec toute éloquence, Ukash t'a certes devancé. 70 000 personnes qui rentreront au paradis, sans jugement ni punition, ni souffrance, qui sont-ils? Ils ont quatre caractéristiques, ayyuhal ikhwa. Ils ne demandent pas que l'on leur fasse ruqya. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont besoin de ruqya, ils ne demandent pas que l'on leur fasse. Mais ils la font d'eux-mêmes, sur eux-mêmes, et ceci est une preuve de leur grande confiance à Allah Jalla wa'ala, qu'ils placent la confiance en leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et ainsi, ils ne demandent pas que l'on leur fasse ruqya. La deuxième caractéristique est que lorsqu'ils ont des blessures, ils ne brûlent pas leurs blessures, ni eux-mêmes, et ni quelqu'un, c'est-à-dire ni ils ne demandent à quelqu'un qui leur fasse cela, afin que leurs blessures se referment. Et ceci est une preuve également qu'ils ont placé leur confiance à Allah Jalla wa'ala. La troisième caractéristique est qu'ils ne sont pas superstitieux, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas tombés dans la superstition. Superstition avec certaines couleurs, ou certains volatiles, ou certains animaux, ou certaines catégories de personnes, ceux qui crient au malheur lorsqu'ils voient un corbeau, ou un hibou, ou une couleur noire, ou un chien noir, ou un chat noir, etc. Qu'ils soient en voyage ou qu'ils ne soient pas en voyage. Ainsi, ceux qui ne tombent pas dans la superstition, telle est une caractéristique de ces gens. Et la dernière caractéristique est qu'ils placent leur confiance en leur Seigneur. Qu'ils placent leur confiance totale en leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et ceci est la base des autres caractéristiques précédentes. Car ces gens n'auront obtenu ces trois premières caractéristiques que par leur placement de leur confiance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi la preuve de leur véritable confiance en Allah jalla wa ala. Et de la confiance de leur cœur en leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et tel est le but et la finalité de tawhid. At-tawhidu lillahi azza wa jal. Ces 70 000 personnes, ayyuhal ikhwa, entreront ainsi au paradis sans jugement, ni punition, ni souffrance. Car ceux-là auront délaissé les moyens de se guérir et auront accepté le destin d'Allah Jalla wa Ala, alors que se soigner est autorisé dans la religion d'Allah. Mais cela prouve la grande confiance qu'ils auront en leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ils auront ainsi délaissé le fait de se soigner en étant satisfaits de ce qu'Allah Jalla wa Ala leur a décrit comme épreuve. Ce sont ceux qui auront placé leur confiance en Allah Jalla wa Ala. Et lorsque Ukash ibn Mihsan radiallahu anhu demanda au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, invoque Allah afin que je sois parmi eux. Et qu'il lui répondit, alayhi salatu wassalam, tu es certes parmi eux. Et dans une autre version, il dit, oh Allah, fais en sorte qu'il soit parmi eux. Et ce hadith est dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Allah Jalla wa Ala a voulu que Ukash ibn Mihsan meure plus tard martyr dans le combat contre les apostats al-Murtaddin. Quant au deuxième homme, qui demanda au prophète alayhi salatu wassalam qu'il soit comme Ukash parmi ceux qui seront rentrés au paradis sans châtiment et sans punition, l'imam al-Qurtubi nous dit à ce sujet, le deuxième homme n'était pas dans la même situation que Ukash. Car si le prophète alayhi salatu wassalam avait répondu positivement au deuxième homme, il aurait certes ouvert la porte. Et les autres personnes se seront succédées alors. Et chacun se serait levé et aurait demandé au prophète alayhi salatu wassalam, demande à Allah qu'il soit parmi eux et ainsi le prophète alayhi salatu wassalam, comme nous l'avons dit plus tôt, lui a répondu d'une réponse avec éloquence et avec politesse en lui disant que Ukash t'a devancé, et ainsi il ne lui dit pas que tu n'es pas parmi eux mais que Ukash l'a devancé. Et écoutez la deuxième bonne annonce, ayyuhal ikhwa. L'imam Ahmed rapporte dans son musnad un hadith avec une chaîne de transmission bonne que le prophète alayhi salatu wassalam dit après qu'il ait cité les 70 000 qui ne seront ni jugés ni punis et qui rentreront directement au paradis, il nous dit alayhi salatu wassalam, et j'ai demandé à mon Seigneur qu'il n'y en ait plus, et il me donna pour chaque 1000 70 000. Une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous place parmi eux, ayyuhal ikhwa, et qu'Allah apaise notre peur le jour où nous le rencontrerons. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام, lorsque le jugement, Al-Hisab, le jour de la résurrection, débutera et commencera, on commencera par cette communauté bénie, la communauté de Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve en est ce qui a été cité dans les Sunan d'Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentifiée par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: nous serons les premiers à être jugés le jour de la résurrection. Et on dira alors: où est la communauté avec son prophète analphabète? Elle sera reconnue comme cela. Les premiers à être jugés, ayol ikhwad, sur la terre de la résurrection, Ardul Mahshar, sera aussi la communauté de Muhammad ibn Abdullah, alayhi salawatullahi wa salamu. Cette communauté qui aura été longuement combattue, qui aura été longuement transgressée, qui aura été longuement abattu et accablé, Allah Jalla wa Ala lui donnera la faveur et lui donnera l'honneur devant toutes les autres communautés et devant tous les autres témoins d'être jugé la première. Et dans une autre version, Al-Habib al-Mustafa, alayhi salatu wa salam, nous dit: on marchera et alors les autres communautés se pousseront afin de nous laisser le chemin. Un honneur pour cette communauté, ayyuha al-ikhwa. On marchera, comme il nous dit, alayhi salatu wa salam, illuminé grâce aux ablutions al-wudu. Et les autres communautés diront alors: chaque personne de cette communauté aurait presque pu être un prophète. Regardez l'honneur de la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ainsi on commencera le jugement al-hisab par la communauté d'al-habib al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et avant que l'on parle sur la première chose sur laquelle nous serons jugés et sur la première chose avec laquelle on commencera le jugement, nous voudrions souligner un cas important, yol ikhwa, le jugement d'Allah ta'ala à ses serviteurs le jour de la résurrection sera effectué avec des règles élémentaires qu'il faut connaître. La première règle du jugement, ayyuha al-ikhwatul kiram, est qu'Allah tabaraka wa ta'ala jugera ses serviteurs sur la petite comme sur la grande action. Comme nous le dit Allah jalla wa ala: wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna naqira. Et quiconque, homme ou femme, fera de bonnes œuvres tout en étant croyant, voilà ceux qui entreront au paradis et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Et Allah nous dit également: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Dis: certes, la jouissance de ce bas monde est éphémère et la vie de l'au-delà est meilleure pour quiconque est pieux, et vous ne serez point lésés, ne fût-ce d'un brin de noyau de date. Et Allah nous dit également: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait un bien, fût-ce d'un point, d'un atome, il le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce d'un point, d'un atome, il le verra. Ainsi, notre Seigneur Jalla wa Ala n'est point injuste envers ses serviteurs. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et comme il nous le dit, le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith qudsi, Allah dit: et c'est avec vos actions que je vous rétribuerai. Celui qui trouvera le bien, qu'il remercie Allah. Et celui qui trouve autre chose, qu'il reproche son âme. Car ce jugement, ayyuha al-ikhwatul kiram, est un jugement énorme en importance. Ce jugement, ayyuha al-ikhwatul kiram, n'est pas comme les jugements, et n'est pas comme les jugements qui ont lieu dans les tribunaux de dunya, de ce bas monde. Ce jugement n'accepte pas de corruption. Ce jugement n'accepte pas d'avocat, ni de piston, ni de cour de cassation, ni de cour d'appel. Mais le juge, ayyuha al-ikhwa, c'est le juge des juges, Hakimul Hukama, wa Malikul Muluk, et le roi des rois, tabaraka wa ta'ala. Celui qui juge aujourd'hui, et celui qui juge ce jour-là, est le Seigneur et le Dieu des premiers et des derniers, tabaraka wa ta'ala. Telle est la première règle. Allah récompense les gens de par leurs actions. Comme Allah jalla wa ala nous dit: wa inna la muwaffuhum nasibahum نصيبهم غير منقوص. Et nous leur rétribuerons leurs actions sans diminution. Et la deuxième règle du jugement, al-hisab ayyuha al-ikhwa, est qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne fait pas porter les mauvaises actions de quelqu'un sur une autre personne. Comme Allah jalla wa ala nous dit, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la tazir wazirah wizra ukhra. Et n'acquiert chaque âme que sur elle-même, et personne ne portera le fardeau sur autrui. Personne ne portera le fardeau sur autrui. Ainsi, personne ne portera les mauvaises actions de quelqu'un d'autre, excepté s'il en est la cause. S'il est la cause de l'égarement de quelqu'un, de par son action ou de par sa parole. Celui qui est la cause dans l'égarement des gens, de par sa parole ou de par ses actions, il portera alors son péché en premier lieu, et le péché de ceux qu'il a égarés. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. Et ceux qui ne croient pas diront à ceux qui croient, suivez notre sentier et nous supporterons vos fautes. Mais certes, ils ne supporteront rien de leurs fautes, et en vérité, ils ne sont que des menteurs. Puis il nous dit Allah Jalla wa Ala, ولنحمل خطاياكم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. Ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau, et ils seront interrogés le jour de la résurrection sur ce qu'ils inventaient. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également pour prouver cela, ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Et ils porteront leur fardeau entièrement le jour de la résurrection, ainsi des fardeaux de ceux qu'ils égaraient. Quel mauvais fardeau qu'ils porteront ce jour-là. Et le prophète alayhi salatu wasalam nous dit également, et celui qui effectue dans l'islam une bonne action, il aura la récompense de son action, ainsi que celle de celui qui l'a fait par sa cause, sans que ces derniers n'aient ses actions diminuées. Et celui qui effectue dans l'islam une mauvaise action, il aura le péché de son action, ainsi le péché de celui qui le fit par sa cause, sans que ce dernier n'ait ses péchés diminués. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim selon Jalil ibn Abdillah radiallahu anhu. Ainsi, la première règle, nous avons dit, ayyuhal ikhwatul kiram, qu'Allah récompensera ses serviteurs de tout ce qu'ils firent sans injustice. La deuxième est qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne fait pas porter les mauvaises actions de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, sauf s'il aura été la cause de son égarement. La troisième règle, ayyuhal ikhwa, du jugement d'Allah jalla wa ala, est qu'Allah fera montrer à son serviteur tout ce qu'il a fait dans ce bas monde ad-dunya. Tout ce que tu auras fait fi ad-dunya, ayyuhal akh, Allah te le montrera. Et Allah te l'exposera comme si tu voyais un film. Naam, comme si tu le voyais le film de ta vie. Allah jalla wa ala ainsi ne prononcera aucun verdict et ne prononcera aucune sentence sans qu'il n'ait fait montrer au jugé ce qu'il aura fait dans ce bas monde. Et ceci nous prouve, ayyuhal ikhwa, de par le fait qu'ils aient reçu le livre de leurs actions, et de par le fait qu'ils soient montrés et qu'on leur montre leurs actions et leurs actions et ce qu'ils auront fait dans dunya, et de par leur fait qu'ils passeront par la balance al-mizan, cela nous prouve la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ainsi ils verront toutes leurs actions, et ils verront tout ce qu'ils auront accompli dans ce bas monde. Comme Allah jalla wa ala nous dit, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée, c'est-à-dire se trouvera en face de ce qu'elle aura fait de bien et de ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera alors qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Elle verra ce qu'elle aura fait dans ce bas monde ad-dunya. Et la quatrième règle du jugement, ayyuhal ikhwa, est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa justice et sa faveur et sa miséricorde, multiplie les bonnes actions. Il multiplie les bonnes actions, al-hasanat, par sa miséricorde et sa faveur. Et il ne multipliera pas les mauvaises actions. Allah jalla wa ala multiplie les bonnes actions, comme il nous dit, tabaraka wa ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha, wa man ja'a bis sayyati fala yujza illa mithlaha, wa hum la yuzlamun. Quiconque viendra avec le bien, il aura 10 fois cela. et quiconque viendra avec le mal, il ne sera récompensé que par son action, et ils ne seront point lésés. Et Allah nous dit également, « إِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous, et il vous pardonnera. Et Allah est cependant reconnaissant et indulgent, et il est le connaisseur du monde invisible et visible, et il est le puissant et le sage. Ayol ikhwatul kiram, comme il nous l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la bonne action est multipliée par 10. Et on peut augmenter encore. Et la mauvaise action est récompensée par la même quantité, par le même poids, ayol ikhwatul kiram. Et comme nous l'a dit dans un hadith Qudsi, et la mauvaise action est récompensée par le même poids, et je la pardonne et je l'efface. Et si Allah tabaraka wa ta'ala dit à Bani Adam, et si tu me venais avec le poids et la surface de la terre comme mauvaise action, mais que tu as associé à rien après moi, je te viendrai avec le poids de la surface de la terre comme pardon. Et dans les deux recueils authentiques selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, Allah a décrété les bonnes et les mauvaises actions. Puis il les expliqua, celui qui désire effectuer une bonne action, mais qu'il ne la fait pas, Allah l'écrira auprès de lui comme une bonne action entière. Et celui qui désira effectuer une bonne action et qu'il l'a fait, Allah l'écrira auprès de lui comme s'il l'avait fait 10 fois jusqu'à 700 fois, jusqu'à une multiplication importante. Et celui qui désire effectuer une mauvaise action, mais qu'il ne la fait pas, Allah l'écrira auprès de lui comme une bonne action entière. Et celui qui désira effectuer une mauvaise action et qu'il la fit, Allah Jalla wa Ala l'écrira comme s'il l'avait fait une seule fois. Et ne périra avec Allah que quelqu'un qui est déjà perdu. Naam, est-ce que après ce bien, est-ce que après cette miséricorde, après est-ce que cette faveur, il y a quelque chose d'autre? Ayyuha al-ikhwatul kiram, fa subhanallah al-azim, tu es certes le plus miséricordieux, ya Rabb, et le plus juste. La 5e règle du jugement al-hisab, avec laquelle les gens seront jugés. Ayyuha Allah Jalla wa Ala ramènera les témoins contre les mécréants et contre les hypocrites. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, Wallahu ala kulli shay'in shahid. Et Allah est témoin de toutes choses. Mais de par sa miséricorde, il trouve des excuses à ses créatures. Car les mécréants n'accepteront pas Allah comme témoin. Les mécréants n'accepteront pas les prophètes comme témoins, ni les anges, comme nous l'entendrons dans les futurs discours. Et Allah leur amèneront alors les témoins. Et toutes choses alors témoigneront contre les hypocrites. Toutes choses témoigneront contre les mécréants alors, afin qu'ils ne leur laissent aucun argument et aucune excuse et aucune preuve. Et parmi les témoins, les anges et les prophètes, comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Comment seront-ils lorsque nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que nous te referons venir comme témoin contre ces gens-ci? يَوْمَ إِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et qui ont désobéi au messager préféreraient que la terre fût nivelée sur eux et qu'ils ne seront cachés à Allah aucune parole. Ils ne pourront cacher à Allah aucune parole. Et Allah nous dit également, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. Nous secourrons ainsi nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme le jour où les témoins se dresseront. Tout comme le jour où les témoins se dresseront, c'est-à-dire le jour du jugement. Sachez, ayyuha al-ikhwatul kiram, que les mécréants al-kafiroun démentront leurs messagers, renieront leurs messagers même le jour de la résurrection. Ils traiteront de mensonges leurs messagers, même le jour de la résurrection, ayyuha al-ikhwa. Et cela nous montre la grandeur de leur mensonge et la grandeur de leur reniement et de leur mécréance. Ils démentiront leurs prophètes et leurs messagers. Qui témoignera alors pour ces messagers? Qui témoignera alors en faveur de ces messagers? Innahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été cité dans le recueil authentique d'Al Imam al-Bukhari selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, Nuhun alayhi salam sera appelé le jour de la résurrection. Il répondra, Labbayka ya Rabb wa sa'dayk. Oui mon Seigneur, on lui dira, as-tu transmis le message à ton peuple? Il répondra alors, alayhi salam, oui mon Seigneur, Et alors on amènera son peuple. Et on demandera à son peuple, Nuh, vous a-t-il transmis le message? Et alors ils répondront, il n'y a aucun avertisseur qui nous est venu. Aucun messager ne nous est venu. Et alors on dira à Nuh, qui témoigne pour toi? Qui a-t-il comme témoin pour toi? Et alors il répondra, Muhammad et sa communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis Al-Habib al-Mustafa. Puis Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa sallam nous dit, vous témoignerez alors que Nuh a transmis le message et je viendrai en tant que témoin sur vous. Et alors il récita la parole d'Allah Jalla wa Ala, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et ainsi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, et comme ça le messager sera témoin à vous. Naam, ainsi Muhammad alayhi salatu wa salam témoignera pour la communauté, et cette communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam témoignera que Nuh alayhi salam et que tous les prophètes auront transmis le message à leur peuple. Al-Imam Ahmed rapporte dans son Musnad un hadith avec une chaîne de transmission authentique. Selon Abi Saïd radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, un prophète viendra le jour de la résurrection et avec lui un homme. Et avec lui un homme. Un prophète viendra le jour de la résurrection et avec lui un homme. Et un autre prophète viendra avec lui deux hommes. Et un autre prophète viendra avec lui trois hommes. Puis on dira à ce prophète, et à n'importe quel prophète parmi les prophètes, as-tu transmis le message à ton peuple? Et alors il répondra oui. Puis son peuple, on dira à son peuple, est-ce que celui-ci vous a transmis le message? Et ils répondront non. Et alors on dira au prophète, c'est-à-dire à ce prophète-là, qui as-tu comme témoin? Qui témoigne pour toi? Et il répondra Muhammad et sa communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. On témoignera ayyuha al-ikhwatul kiram alors contre toutes les communautés et en faveur de tous les messagers qu'ils ont transmis le grand message et qu'ils ont apporté les preuves et qu'ils ont apporté les arguments aux serviteurs d'Allah et aux créatures d'Allah et qu'ils ont montré et qu'ils ont prêché et qu'ils ont appelé à l'unicité d'Allah et tawhidu lillah et à son adoration et à s'accrocher à cet islam et au livre d'Allah jalla wa ala. Na'am ayyuha al-ikhwatul kiram. Puis après cela, le jugement entre les serviteurs commencera. Al-Hisab, le jugement commencera. Comment commencera-t-il alors? Et avec qui commencera-t-on le jugement? Et par quelle action commencera le jugement Al-Hisab? La réponse à ces questions, lors de notre prochain discours. Bi-idhnillahi jalla wa ala. Si Allah nous décrète la vie et la rencontre. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Fa-as'aluhu tabaraka wa ta'ala. Bi-asma'ihi al-husna. Wa sifatihi al-ula. An yukhaffif alayna al-Hisab. Allahumma khaffif alayna al-Hisab. Oh Allah, allège-nous le jugement, fais que le jugement soit léger pour nous, et protège-nous des afflictions et des tourments le jour de la résurrection. Certes, tu en es capable et tu en as le pouvoir. Et nous tenons à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne provient que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je tiens à demander à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole, et qu'il retienne celle, ce qu'elle contient de meilleur. Oulaika alladhina hadahum Allah. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ce sont ceux qu'Allah a guidés et ce sont ceux les doués d'intelligence. وَأَسْأَلُهُ جَلَّ وَعَلَىٰ qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et qu'il préserve de tout mal dans le bas monde ainsi que dans l'au-delà et qu'il accorde sa bénédiction à Muhammad ibn Abdullah, al-Rasul al-Muntaqa, wal-Nabi al-Mujtaba, sallallahu alayhi wa sallam, à notre noble messager ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivirent son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Et notre dernière invocation, ayyuha al-ikhwatul kiram, que toutes les invocations et toutes les louanges sont à Allah, le Seigneur de l'univers.